41e chapitre. Inauguration de la première chaussée construite en Perse. Le jardin zoologique du chat. L'endroit de prédilection de Nasser Eddin est son pavillon de chasse situé dans le jardin zoologique de Dao Chan Tepe, qui veut dire la butte du lièvre. À son retour d'Europe, après avoir décrété l'établissement d'une chaussée menant de Téhéran au pèlerinage de Shahzadeh Abdul Azim dans l'intérêt des fidèles, il songea aussi à son propre agrément en faisant construire, comme on le sait déjà, une autre route conduisant à ce pavillon. Celle-ci, commencée après la première, fut achevée bien longtemps avant, quoique le terrain ravineux présentât des obstacles naturels très grands par suite de la quantité de torrents et de cours d'eau qui la traversent au moment de la fonte des neiges et des fortes pluies. Aussi fut-on obligé de construire 11 ponts sur une distance de 6 km. Le 14 octobre 1874, Sa Majesté inaugura la nouvelle voie. L'ingénieur européen chargé de la construction fit déployer un luxe d'ornementation inconnu en Perse. Un arc de triomphe formé de verdure surmonté des armes de l'Iran et d'une inscription en l'honneur du chat avait été élevé. Une centaine d'immenses oriflammes flottaient au bout des mâts, au-dessus de petits drapeaux portant le monogramme du chat à côté de rondelles à son chiffre. Le tout était relié par des guirlandes de feuillages et de fleurs. Le souvenir de ce coup d'œil est resté gravé dans la mémoire des Persans pour qui il était nouveau, car il n'est pas d'usage chez eux de pavoiser dans n'importe quelle circonstance. Une chaîne avec un cadenas en argent fermait la voie. Lorsque Nasser Eddin parut, l'ingénieur lui présenta la clé. Le chat, qui aime les spectacles et surtout la nouveauté, s'égaya fort de celui qu'on lui avait réservé. Une salve de 21 coups de canon, accompagnée de l'air national, annonça aux Persans que la première chaussée établie dans le pays venait d'être inaugurée. Tous les ministres et les grands dignitaires se trouvaient sur le passage du souverain. Le long de la voie, 4 régiments d'infanterie portant de nouveaux uniformes rouges, faits pour la circonstance, formaient la haie, échelonnés à 2 mètres de distance l'un de l'autre. Au moment où l'ingénieur offrit au chat la clé sur un plateau en argent, on lui remit une petite bourse contenant 14 tomans, restant de la somme allouée pour les travaux. Note, 14 tomans égale 140 francs. Fin de note. Le chat, fort satisfait de cette économie, empocha l'argent. Il admira beaucoup l'arc de triomphe et comme il s'étonnait de la fraîcheur de la verdure, on lui répondit que les ouvriers avaient travaillé toute la nuit pour les lever. Il en témoigna toute sa satisfaction, mais l'idée ne lui vint pas de faire distribuer à ses hommes la minime somme qu'on venait de lui remettre et qui aurait procuré bien de petites joies à ses pauvres ouvriers. Il jeta aussi un coup d'œil sur la chaussée et on lui fit observer qu'elle était parfaitement construite d'après les règles de l'art. Satisfait, il remercia Haji Mirza Hussein Khan, alors ministre des Affaires étrangères, qui avait été chargé de veiller à l'établissement de la route et qui, le lendemain de son inauguration, fut élevé au rang de maréchal. Le monarque voulant par là prouver officiellement sa satisfaction au ministre dans les mains duquel les fonds avaient été versés. L'offrande de la petite bourse fut probablement pour quelque chose dans cette élévation, car en rendant au chat ses 140 francs, n'était-ce pas lui donner une preuve qu'il avait le rare bonheur de posséder dans son royaume un serviteur intègre. L'ingénieur et ses employés, aux ailes desquels le maréchal devait la faveur du souverain, reçurent un simple remerciement du ministre, qui refusa même de payer les appointements que le gouvernement devait à certains d'entre eux depuis 22 mois. Son Altesse Hadji Mirza Hussein Khan conduisait aussi fin calculateur que rusé diplomate avait pendant ce temps-là mis à intérêt chez un marchand du bazar et à un taux très élevé la somme perçue à cet effet. Depuis lors, Sa Majesté parcourt souvent sa chaussée de Dao Chom Tepe, menant à ce pavillon de chasse situé au nord de Téhéran sur un rocher d'environ 400 mètres de hauteur au milieu d'une plaine au pied de l'Elbrouz. Bâti par le père de Nasser Eddin, celui-ci l'agrandit, l'embellit et en fit son pied-à-terre favori. De là, le chat, qui est un infatigable Nemrod, s'en va dans les montagnes environnantes, où mouflons, chèvres sauvages, gazelles, lièvres, perdrix royales et autres gibiers abondent. En hiver, lorsque la neige couvre les cimes les plus élevées, il a la bonne fortune, parfois, de rencontrer même des léopards, des panthères, des tigres et des lions. Dao Chom Tepe prend son nom d'un village voisin. Note, lorsque le chat n'est pas à Dao Chom Tepe, le jardin est ouvert au public. Les Téhéranis, ou plutôt les Européens, vont y faire des parties de plaisir. Fin de note. Du pavillon et des vastes jardins qui l'entourent, dominant la plaine, la vue est magnifique. Le salon du chat ressemble à celui d'un navire. Le plafond a peu d'élévation. Les fenêtres rondes, basses et à coulisses rappellent des sabords. La pièce est garnie de banquettes circulaires à dossiers avec des coussins en velours vert. Au milieu s'élève une espèce de pied de mât autour duquel est une table, ameublement qu'on ne voit guère en Perse. Au-dessus de cette salle, une autre, d'un style oriental, forme belvédère. Ces deux appartements composent le Biroun. L'un des rooms est spacieux. Quoique installé sans luxe, les femmes le sont plus confortablement là que dans d'autres habitations de plaisance où elles accompagnent le chat. Par sa position, Dao Chom Tepe est un véritable nid d'aigle. Le pavillon n'est pas abordable en voiture. On doit tout y transporter, même l'eau. Dans les jardins règne une température douce. En hiver, les vents n'y arrivent que rarement grâce aux montagnes. On y voit plusieurs kiosques, dont quelques-uns ont des salons fort coquets. Il y a aussi une petite mosquée et deux grands bassins dont l'eau est continuellement renouvelée. Le chat a installé dans ses jardins sa collection d'animaux, pour lesquels il a une sollicitude extrême, surtout pour ses lions. Voici un fait à l'appui. En 1878, dans les premiers jours du Moharem, une lionne mit bas. Le chat, retenu en ville par les représentations religieuses de son téquier, ne put aller visiter la couchée. Afin d'avoir des renseignements exacts sur son état, il donna l'ordre d'établir un service de courrier qui, de demi-heure en demi-heure, devait l'en informer. On était alors au mois de janvier. Une neige épaisse couvrait les campagnes ainsi que les rues de Téhéran. Le chat, trouvant ses courriers trop lents à venir, fit établir un fil télégraphique de Dao Chom Tepe et un petit bureau vis-à-vis la cage de la lionne correspondant avec celui du palais à Téhéran. De cette manière, l'employé, placé en face de la lionne et de ses petits, pouvait tenir le chat au courant de chacun de leurs mouvements. Lorsque l'individu chargé de cette besogne l'eut terminée, il envoya une dépêche au palais ajoutant qu'il avait réussi plus vite qu'il ne pensait, malgré de très grandes difficultés. Faisant ressortir ainsi son zèle, il espérait recevoir un cadeau du chat. Cette dépêche qui se terminait par ces mots « Les bêtes se portent bien » fut transmise à Nasser Eddin qui était au Téquier. Impatient et vivement irrité de n'avoir pas eu plus tôt la nouvelle, il était de mauvaise humeur lorsqu'il l'a reçue. En lisant « Les bêtes se portent bien », il se mit fort en colère contre l'employé qui avait osé donner le nom de « bête » au lion, roi du désert, et vit même là une offense faite à la royauté. « La bête » s'écria-t-il, « ce n'est pas le lion, mais bien l'homme qui le nomme ainsi !» Et il destitua l'employé. Quelle juste récompense pour tant de zèle ! Note, ce fait et ces paroles sont historiques. Fin de note. Pendant les 10 jours que durèrent les représentations religieuses, Nasser Eddin ne put, à son grand déplaisir, visiter l'intéressante convalescente. Mais le lendemain, à 6 heures du matin, il galopait déjà sur la chaussée de Dao Chan Tepe. Le soir même, il revint à Téhéran, fort content d'avoir vu que la reine du désert, les petits princes et les princesses se portaient à merveille. Fin du 41e chapitre.